La geste des harpies. Acte 1. Koa. Mais c'est pas si mal. Dans 2 ans, t'arriveras peut-être à l'écorcher. Très drôle, papa. Arrête de l'embêter. Maya, tu es trop stressée. Il faut que tu respires lentement et profondément. Et ouvre bien les yeux, Anvisa. Si tu fermes un œil, tu vas perdre la notion de profondeur. C'est ce que j'ai fait, ça marche pas. Arrête de faire ta grincheuse, on dirait ton père. J'allais dire ça, on dirait moi. Ouais. Mais je les avais les yeux ouverts. J'ai pris en compte le vent, la distance, j'ai anticipé sa réaction. Mais quand j'ai tiré, la balle, bah, elle est pas allée où je voulais. Elle est allée où? Trop. Juste au-dessus de la tête. D'accord. La prochaine fois, tire en fin d'expiration. Et vise le poitrail. Au début, c'est mieux de viser une zone large. Allez, on se reconcentre. Tu me remontes la piste de ce cornu et tu fais bien gaffe, hein. Il va être plus vigilant. On est loin du zénith. Je dirais qu'on a... Allez, un quart de soleil, pas plus. Ce sera ton dernier essai. Allez, vas-y. Et sois discrète. Alors, Naya est sur sa piste? Ouais, elle a retrouvé sa trace. Je dirais qu'elle est pas loin des cornues. Les pas de l'animal sont regroupés. Il est calme. Il a pas dû la repérer. C'est pas mal du tout pour une première traque en solitaire. Ouais. Enfin, avec les nuages qui se ramènent, la neige va pas tarder à tomber. À mon avis, ça va devenir coton quand elle va tout recouvrir. Sans compter que la visibilité sera plus réduite. Naya devra écouter son instinct. Tu penses qu'on devrait arrêter pour aujourd'hui? Non, pas tant que la lumière est encore présente. Elle a besoin de s'endurcir, quoi. Ouais, si tu le dis. De toute façon, je suis pas sûr qu'elle veuille de notre aide, hein. Si tu la protèges trop, elle risque de pas savoir réagir si elle se retrouve toute seule. Bon. En route? Elle a assez pris d'avance, non? Ah, vraiment pas mal. Naya a laissé quasiment aucune trace. Wakisa, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, tu le trouves pas un peu bizarre le jeu d'empreinte du cornu? Ouais. On dirait qu'il a 5 pattes. Il a pu trébucher. Mais celle-là, elle ressemble pas à un sabot. Alors Naya n'est pas seule en chasse. La chasse sera plus possible. Faut que j'arrive à tirer ce cornu. Sinon, je pourrais pas accompagner papa et maman pendant la saison des grands lignes. Te voilà, mon joli. Plus qu'à terminer le travail. On s'en va. Salut, Paco. Quoi, Wack, comment ça va? Venez voir, on a plein de trucs qui peuvent vous intéresser. On a 2 caisses d'agrumes, 1 nouveau mousquet, 1 caisse de munitions, 8 sacs de farine avec presque aucune vermine, et 1 tonnelet d'eau de feu de la grande ville. Bon boulot, les gars, hein. Et au fait, quoi, on a croisé le marchand de bleu givre. Il a adoré ton arc, et il nous a demandé si tu pouvais lui en faire un deuxième. Il nous a même fourni de l'if. Super. Bah, il sera prêt pour votre prochaine caravane. Et d'ailleurs, vous avez réussi à me retrouver de l'aloe vera pour mes baumes? Ah, désolé, Wack, mais non. La caravane des marais du couchant est pas arrivée. C'est pas grave, je repasserai commande la prochaine fois. Ce qui est bizarre, c'est que c'est en cette saison qu'ils font le plus de troc. Ils ont peut-être eu du retard sur le chemin. Personne sait vraiment. Bon, ils ont peut-être une gelée du côté de chez eux, c'est rien. En parlant de ça, la caravane de Port-Saval était pas là non plus. Et elle vient pas de la même direction. Ils sont tout le temps au forum, pourtant. Si ça se trouve, c'est juste du retard dans leur récolte. Bon, allez, on doit préparer les pots. On n'a pas eu la meilleure chasse de la saison, mais on a quand même de quoi faire. Ça marche. Allez, bonne fin de journée, les amis. Hé, hey, Naya, tu fais attention avec ça, c'est notre gagne-pain quand même. Oh, t'as pas un peu fini de faire du boudin? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre, c'est trop nul, je pourrais pas participer à la saison des migrations avec vous, parce que j'ai raté le cornu, je vais encore passer toute une lune chez la vieille Oba, et puis... Hé, détends-toi, t'as joué de malchance, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Si t'avais pas été interrompu, tu aurais eu ta proie. Si tu veux, juste après les gelées, on essaiera de te retrouver une autre proie. Mais sincèrement, je pense que tu seras prête. C'est vrai? Juré. Allez, va aider ton père à vider les bêtes. Et après, je te montrerai comment on file des cordes d'arc. Allez, crapule. Ah, si j'avais su que tu me ferais autant courir, je t'aurais laissé avec les ricanantes. Arrête, c'était pas gentil. Allez, on file au lit. Demain, on ira au lac. Pour attraper la mort? Mais non, c'est pour réparer le canoë. D'accord. Allez, couche-toi. Dors bien, mon trésor. Fais de beaux rêves, ma fille. Bonne nuit. T'as l'air soucieuse, toi. Je sais pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça me travaille depuis qu'on est rentré. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui peut bien pousser une meute entière de ricanantes à venir par ici? Elles ne vont jamais si loin dans le nord, surtout en cette saison. La faim, l'inondation... Ou quelque chose de plus agressif. Ouais, il faudrait faire quelque chose à ce sujet. J'en parlerai au prochain conseil. Je demanderai à ce qu'on fasse une reconnaissance au dégel. Bonne idée. Ça fera du travail pour ta gauche. Il est gelé. Allez, va hiberner, gros malin. Bonne nuit, à puce. Ah, salut! Bonjour! Bonjour, quoi! Bonjour! Pas beau à voir. Allez me chercher un guérisseur, vite! Hein, merde. Fuyez d'ici. Faut pas rester là! Venez!